Cours numéro 25. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man walah, amma ba'd. On continue l'étude de cette risala al-usul, min ilm al-usul, et dans le dars précédent, on a étudié ensemble un chapitre très très important fi al-tartib bayna al-adillah. Wa shaykh ibn al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, lakhasa hada al-bab avec un résumé tayyib. Et il a cité la règle de base, tant qu'on peut faire le jam'a, on fait le jam'a. Il y en a, la base, c'est qu'il n'y a pas de contradiction et les textes ne se contredisent pas. Lakin, si on ne peut pas faire le jam'a, voilà, chaque anavi hada al-hal, al-ulama, ils regardent est-ce que c'est min bab al-nasikh ou al-mansukh, ou bien sûr, ils appliquent al-tarjih. Et dans ce dars, on lit le chapitre suivant wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad qala al-mufti wal-mustafti hadha al-bab Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh après avoir cité al-adilla les preuves al-Qur'an was-sunnah wal-qiyas wal-ijma' après avoir cité bab at-ta'arud ici une contradiction en apparence thumma comment faire il a cité al-mufti wal-mustafti ay qui sait qui peut parler via hadha al-bab, qui sait qui peut argumenter et dire anna tel hadith il passe avant tel hadith il est faible ou hadha al-umum il a été spécifié par telle chose. Hadha c'est pas n'importe qui sait qui peut faire le fatwa kadhalik. Est-ce que cette chose elle est halal, elle est haram, est-ce que cette chose on peut la faire, faut m'a répondre citer un hukm shar'i, hadha c'est pas n'importe qui. Al-mufti ou al-mustafti. Al-mufti, c'est celui qui répond. Et al-mustafti, c'est celui qui pose la question. Wa hadha al-bab, il est muhim. Hadha al-bab, il est très très important. Aïe, le fait de connaître man al-mustahiq lil-fatwa. Wa akhd al-ahkam an. Aïe, qui sait qui peut donner des avis juridiques. Et nous, en tant que awam ou talabat ilm, vers qui on doit revenir pour poser nos questions. وَكَانَ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَخَافُونَ مِنَ الْإِفْتَاءِ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِوَرَعِهِمْ وَخُوفِهِمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Et ils connaissaient l'importance de cette question, l'importance de ce sujet, et la gravité de parler sans ilm, etc. كَانُوا يَخَافُونَ مِنَ الْفَتْوَى. Il y en a le fatwa, c'est pas simple. Quand tu dis cette chose c'est haram, tu parles au nom du din. Et le fait de dire que c'est haram, ça implique des choses. Le fait de dire telle chose c'est halal, كذلك, l'insan il parle au nom de l'islam. Il y en a qui sait qui rend halal et qui rend haram, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et son messager, alayhi salatu salam. Amma nahnu, on doit se soumettre. فَلِيَادَ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُمْ كَانُوا يَخَافُونَ مِنَ الْإِفْتَاءِ. Ils avaient peur de répondre aux questions. قَالَ إِبْنُ أَبِي لَيْلَ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَدْرَكْتُ 120 مِنَ الصَّحَابَ. Ibn Abi Layla, c'est un grand imam parmi A'immat al-Tabi'in, la génération qui est venue après le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qala adraktu, il a rencontré 120 compagnons, radiyallahu anhum, yus'al ahdun anil mas'ala, fatadouru alayhi. Il a rencontré 120. Et le premier de ses compagnons, il était interrogé, et il répondait pas. Thumma le deuxième, et la question, elle revenait au premier. Et les 120, kul wahed, il faisait passer la question à l'autre. Limadha al-khawf min Allah subhanahu wa ta'ala. Amma vouloir se montrer, se précipiter, كذلك les sentiments. Anna, si je réponds pas, il va voir telle chose, il a akhri, alors que l'insan, il sait pas où il a des doutes. Hada, ça montre qillat al-wara'. Ça montre anna l'insan, il a iman va'if. Et il se précipite. Et la précipitation, c'est min al-shaytan. Fa amru al-fatwa, c'est un amru azim. Falihada, ce chapitre, il est très très important. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه المفتي والمستفتي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي المفتي c'est celui qui informe عن حكم شرعي وتقدمت معنا الأحكام الشرعية حلال حرام مستحب مكروه مباح تقدم donc المفتي c'est celui qui informe عن هذا الحكم مثلا il dit telle chose c'est interdit telle chose c'est permis. On peut rajouter هنا et c'est une précision importante أن هذا الإخبار عن حكم شرعي يكون عن علم بالدليل لأن بعض الناس يزانفورم عن حكم شرعي سي دي مقلدة أو دي زينيوخون il rapporte un حكم et il connaît pas le délil. Si tu lui demandes maintenant c'est quoi le délil, il peut pas répondre. Ah, il te dit Cheikh Antel il a dit. Imma c'est un ignorant, imma il suit aveuglément. Il prend la fatwa du Cheikh et il connaît pas le délil. Amma al mufti fa yukhbiru an hukm shar'i bi ma'rifati al dalil. Il répond au hukm en connaissant bien sûr al dalil. Wal mustafti huwa as-sa'il an hukm shar'i. C'est celui qui demande an al hukm ash-shar'i. Et la fatwa, c'est la réponse. Donc tu as trois choses. Tu as le mufti, c'est celui qui est interrogé. Mathalan, le savant. Tu as le mustafti, c'est celui qui a questionné. Celui qui veut la réponse. Donc le mufti, celui qui a interrogé. Le mustafti, celui qui a posé la question. Et tu as le fatwa. Le fatwa, c'est la réponse. Shurutul fatwa. Les conditions. Yushtarat li jawaz al fatwa shurutun minha. Aïe. Pour prononcer des avis juridiques, à y donner des fatawa, il faut des conditions. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف. قوله أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أي il faut que le mufti connaisse le حكم. Et ce حكم doit être basé sur un dalil. أو ظنا راجحا. Ne pas comprendre هنا أن الظن c'est les doutes. Là, الظن الراجح كذلك. Ça fait partie de l'yaqin. لكن الyaqin درجات. العلم, il y a plusieurs degrés. Et la certitude, il y a plusieurs degrés. الظن الراجح, c'est moins fort que الyaqin. أما celui qui a des doutes, il ne sait pas, il ne se rappelle plus. فكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجب عليه التوقف. Il doit se rappeler de قول الله عز وجل وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ. Allah subhanahu wa ta'ala حَرَّمَ الْكَلَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et في هذا الحال الإنسان si c'est un savant ou un طالب علم qui a القدرة s'il ne sait pas il reporte يتوقف. Et il dit à cette personne qui a posé la question j'ai besoin de vérifier j'ai besoin de réviser ce sujet. ثم ينظر في الكتب. Oh, il revient à quelqu'un qui a plus de ilm que lui et pose la question lui-même. ثم il répond. Ça nous montre que l'essentiel, c'est que ce questionneur, ce musulman qui interroge, qu'il ait la réponse. Ah, mais se précipiter. بعض الناس, ils n'osent pas dire je ne sais pas. Oh, ils veulent se montrer, ils veulent montrer qu'ils connaissent. Ils donnent une réponse. Et Obama, cette question, elle est, ou plutôt la réponse, elle est fausse. Ça fait du mal à ce musulman. Qui lui est sincère et qui veut vraiment une réponse. Et كذلك ça fait du mal à celui qui répond. Les malades, il y en a où il parle sans ilm. Tout ça, ça revient au khouf min Allah. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de se montrer. Al-Imam Malik rahmatullah alayhi, wa al-qissa mashhoura ma'roufa, anna rajulan safara min al-sharq, ou plutôt min al-maghrib, al-aqsa, d'Andalousie. L'actuelle Espagne, jusqu'à Al-Madina, Al-Mashriq. Et t'as l'amour, cette distance de nos jours, on l'a fait en avion, on l'a fait en 6 heures, 7 heures. À leur époque, c'était des mois de marche ou sur des montures. Fa ja'a ila l'imam Malik, rahmatullah alayhi wa sa'ala. Plusieurs questions. L'imam Malik, il a répondu à certaines et beaucoup de questions, il n'a pas répondu. Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Al-Rajul, il lui a dit. Il a dit à l'imam Malik, je suis venu min al-Andalus. Et ce long voyage, et tu me dis, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. L'imam Malik, rahmatullah alayhi, lui a dit, retourne en Andalousie et a dit à tout le monde que l'imam Malik, il ne sait pas. C'est quoi qui a poussé l'imam Malik à dire cette réponse? C'est le khouf min Allah. Il n'a rien à prouver aux autres. Il sera tout seul et il sera interrogé, rahmatullah alayhi. Et on sera tous interrogés. Si on a répondu sans ilm, pourquoi tu as répondu? Imma l'insan, il veut se montrer, imma il se précipite, imma il y a une cause. Imma le muwaffaq, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, il yaqul ma adri, je ne sais pas. Et si c'est pas un ilm, il pousse les gens à demander la question au savant. Donc, le premier short, an yakun arifan bil hukm. Le deuxième, an yatasawwar as-su'al tasawwuran tamman liyatamakkan min al-hukm alayhi. فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. Et ça c'est une règle très très importante. أن la question elle doit être par rapport à ou plutôt la réponse, elle doit être par rapport à la question. Et pour pouvoir répondre convenablement, il faut comprendre awalan la question. Et pour pouvoir donner un jugement sur une chose, tu dois passer. Et pour pouvoir citer le hukm, tu es obligé de comprendre la question. Si tu n'as mal compris, si tu as mal compris la question, Obama, tu vas répondre à autre chose. Et ce musulman qui a posé la question, il va penser, oh, pour lui, c'est clair, il a posé la question et lui, il va prendre cette réponse pour sa question, alors que ce n'est pas la réponse à sa question. Pourquoi? Il y en a ce mufti, il n'a pas compris aslan la question. Khassatan, fi an-nawazil, ça arrive souvent. Une chose qui n'était pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il m'a un nouveau médicament, il m'a un nouvel appareil, il m'a un aliment, une boisson qui n'était pas à l'époque. Il a al-mufti, il doit bien réfléchir la question et bien prendre son temps hatta il répond par rapport à cette question et par rapport au contexte. Amma, répondre à une question hors du contexte, la réponse, elle sera pas savable. قال فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله. Et ça c'est طيب. أن هذا المفتي s'il a mal compris la question, ou il a peur de ne pas l'avoir compris, il demande des détails. Il lui dit, est-ce que c'est pour ça que vous remarquerez que certains savants, ils répètent la question. Avant de répondre, ils répètent, ils disent, Sa'il, il a demandé telle chose, telle chose, telle chose. Hatta, Sa'il, Rubama, si c'est pas ça, il intervient, il dit, au cheikh, là, c'était pas comme ça, et il corrige. À la kulli hal, la bud min tafsil. Qala, wa in kana yahtaj ila tafsil, istafsala. Et, kadhalik, s'il a besoin d'ajout, il demande. Le mufti, ça arrive, hein, les savants, ils disent, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que telle chose? Et si telle chose? Ils demandent des détails. قال أو ذكر التفصيل في الجواب. Et ça, c'est طيب. قال شيخ ابن عثيمين. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أم لا. مثلا, il cite l'exemple dans l'héritage. Un homme qui meurt, il laisse de l'héritage. Et il a une fille, un frère, et un oncle. فليسأل عن الأخ, ce frère, est-ce que c'est un frère, un homme, amla? Est-ce que ils ont la même mère, amla? Peut-être que son père il s'est remarié et c'est un demi-frère ou une demi-sœur. Et le demi-frère, c'est pas comme le frère al-Shaqiq, et le frère germain qui a le même père, la même mère. Donc, enta la question, si tu fais pas attention, wahed, il peut te demander sur mon frère kada, matalan dans l'héritage. Si tu fais pas attention, wahed, c'est son demi-frère. Il a l'habitude de l'appeler frère. Donc il ne fait pas attention, il dit frère. Le mufti, s'il ne fait pas attention, il peut se tromper. Enfin, imma, il lui demande. Imma, dans la réponse, il détaille. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فليسأل عن الأخ هل هو لأم أم لا. Il lui demande, est-ce que c'est ton frère germain أم لا. أو قال أو يفصل في الجواب فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. أو il y a une autre solution, أن المفتي dans la réponse il cite les deux cas. مثلا il dit, si c'est un frère germain il a telle chose, si c'est pas ton frère germain il a aucune part dans l'héritage. وهكذا. ثالثا أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. Et ça, c'est un autre point important. أن يكون هادئ البال. أن المفتي, si on lui pose une question, il doit avoir l'esprit tranquille. أما s'il est occupé par une chose, il a cité des exemples, Cheikh Ibn Uthaymeen. Maintenant, il est en colère. Quand tu es en colère, tu n'es pas en pleine possession de tes moyens. Tu es occupé, ton cœur il est occupé par autre chose. Ou hum, ou un souci. Ou malal, ou il est fatigué. Matalan, le shir, ça fait une heure que les gens lui posent des questions. Thumma, ce shir, le mufti, commence à se fatiguer. Fi hadha al-hal, il arrête. Lianna, s'il continue à répondre, il pourra se tromper. Lianna, il est fatigué. Ou ghayriha, kadhalik, la précipitation. Ne pas se précipiter. Matalan, insan, il est à la tariq. Il marche, il doit rentrer chez lui, il n'a pas le temps, il a un coup de fil urgent à passer. في هذا الحال ne pas se précipiter. لماذا؟ لأن ربما لا يتصور المسألة. Peut-être qu'il n'a pas, il n'a pas saisi la question. Bah, la réponse, elle ne sera pas exacte. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. Ça c'est un nas dans cette مسألة. لا يقضي القاضي وهو غضبان. القاضي, le juge, et كذلك المفتي, ne doit pas se prononcer, citer un jugement, quand il est en colère. وهكذا, quand il doit faire ses besoins. Il a une envie pressante, donc il est مشغول البال. Et il a cette envie, via dal hal, il doit pas répondre. Il doit déjà faire ce qu'il a à faire, faire ses besoins, thumma, ba'da dhalik, il pourra répondre, لماذا؟ لأنه sera tranquille. هذا c'est clair. قال ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها. إذا اجتمعت هذه الشروط, quand est-ce que c'est une obligation de répondre? Aïe, le mufti, on dit qu'il a ses conditions. Wallahi alhamd, c'est un savant de la sunna, etc. Quand est-ce que la fatwa devient obligatoire? قال شيخ العثيمين رحمه الله وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. Le premier cas, c'est une obligation, il a waqa'at al-haditha. Matalan, واحد, il lui est arrivé quelque chose, et il a besoin d'un hukm shar'i, khasatan certaines choses, c'est assez urgent, et il appelle un savant, le savant, il doit lui répondre. Et alhamdoulilah, les savants, ils répondent aux questions des muslimines. Lakin nastafid min hadha, on ne doit pas poser des questions de choses qui ne sont pas arrivées. Fa li hadha qala shaykhul uthaymeen, fa in lam takun waqi'an lam tajib al-fatwa li'adam ad-darurah. Le mufti, dans ce cas-là, et ça arrive, des savants, ils disent, est-ce que c'est arrivé? Quand c'est pas arrivé, ils disent, bah, fadhab. Et quand ça arrive, tu me demandes. Et il y a beaucoup d'histoires, fi hada, ma ahl al-ilm. Anna al-ba'd, ils demandent certaines choses et c'est pas encore arrivé. Et salaf, kanu yubghidhuna at-ta'ammuq hada fi su'al. Et hada, ça vient de al-fudhul. Al-Fudul, c'est la curiosité, s'occuper des choses qui ne nous regardent pas. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. On doit faire attention de ne pas poser des questions par curiosité. Ou des choses min al-gharaib, des choses bizarres. La haqiqa, t'en as pas besoin ni pour ton din, ni pour ta dunya. Ça ne te sera d'aucune utilité. Et que tu connaisses ou tu connaisses pas, ça va rien t'ajouter. Pourquoi perdre son temps et faire perdre le temps à ce savant? Quand certaines, si à notre époque c'est par coup de fil ou message, ça va prendre un certain temps au savant et peut-être que un musulman a une question très importante, très urgente et le cheikh il est occupé avec hadal akh. L'insan il doit réfléchir, il doit pas poser les questions qui ne sont pas arrivées. Pardonnez, ils disent mais si il y a telle chose, est-ce que ça t'est arrivé? Si ça t'est pas arrivé, autre cas, c'est d'aucune utilité. Et kadhalik, tu peux poser la question pour quelqu'un, ça ne t'est pas arrivé à toi, lakin ça arrive à quelqu'un, hada tayyib. Lakin si la mas'ala aslan, elle n'est pas arrivée, ni à toi, ni à un autre, enfin, on n'a pas besoin de hada. Combien de choses, fil haqiqa, qui nous arrivent tous les jours, des choses du quotidien, on en a besoin et on ne le maîtrise pas encore. On doit faire des efforts fil ilm et poser des questions dans ces sujets qu'on a besoin tous les jours, que ce soit dans le tawhid, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans le salat, que ce soit dans le tahara. Que ce soit ma'yata'alak bil-haïd ou al-nifaz pour les femmes et la akhira. On verra les autres questions après. Thaniyan, aïe, deuxième cas que la fatwa est obligatoire. An la y'allam min hal as-sa'il anna qazdahu at-ta'annut. At-ta'annut, c'est les suppositions. Comme on vient de citer dans le cas précédent. Aïe, s'il y a telle chose, iftiradat, aïe. Et il cite des situations qui ne sont pas arrivées. Et il rentre dans des choses. Et il s'impose des choses et des détails qui ne servent pas à grand chose. Fa fi hadha al-hal, le mufti a le droit de ne pas répondre. Qala aw tatabbu' ar-rukhas. Et كذلك tatabbu' ar-rukhas. Il a déjà posé la question à un autre. Lakin il pose la question à un deuxième et ce cheikh il le sait. Fa fi hadha al-hal, il a le droit de ne pas lui répondre. Limadha li anna hadha yacherche une rukhsa. Et c'est la fatwa qu'on a lue hier ensemble, wallahi alhamd, de Cheikh Zayd al-Madkhali. قال أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض. Et ça, c'est très très grave. Et le premier shir, il a une réponse. Il demande à un shir pour faire une fitna. Hatta si wahed lui dit tel shir, il a dit. Ouais, il dit là, mais tel shir, il a dit. Et ça fait, ça cause des troubles. قال أو غير ذلك من المقاصد السيئة فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. Dans ce cas, le shir, il n'a pas le droit de répondre. بل le shir, dans ce cas, il doit conseiller هذا الأخ. Il doit le conseiller. Et هذا الأخ, il doit craindre Allah سبحانه وتعالى. فكما تقدم معنا أمس أن السؤال c'est une عبادة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فcelui qui pose la question, إِمَّا c'est pour mettre en application. Imma, c'est pour s'écarter de quelque chose de haram. Imma, c'est pour clarifier une chose qu'il a mal compris et qu'il a besoin. Imma, c'est une question pour un autre. Comme sa'ala Jibril, alayhi salatu wa salam, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mal islam, mal iman, mal ihsan. Alors que Jibril, bien sûr qu'il connaissait la réponse. Lakin, c'était pour que sahaba, radiyallahu anhum, y profite. Enfin, tous ces cas, c'est permis. أما باب الإعجاز pour bloquer le شيخ أو le طالب أو pour الرخص عيدا بالله l'insan il veut une réponse que telle chose c'est permis pour qu'il puisse la faire même si il connaît la réponse d'un autre شيخ avec un دليل tout ça c'est très très grave. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. قال ثالثا أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفها. Et ce point il est important. أن المفتي si il sait que cette réponse même si elle est correcte, on parle d'une réponse correcte هنا, même s'il a un dalil, لكن pour cette personne, pour sa situation, ça va impliquer un mal plus grand, il n'a pas le droit. Il ne doit pas lui répondre. Limadali, en a la réponse, ça va être une fitna pour هذا الإنسان. Ça, ça nous montre ماذا. أن العلماء يقولون أن ليس كل ما يعلم يقال. ليس كل ما يعلم يقال. C'est pas tout ce que tu connais, tu dois le dire. Et à notre époque, c'est pas tous les messages que tu reçois, tu dois propager. خاصة أيام الفتن والمحن. Lors des épreuves. L'insan, tu propages pas tout. Wa'ad al-nas, peut-être que c'est une vérité que tu as. Et tu peux la propager à un frère et à un deuxième frère, tu peux pas. Maintenant, cette période qu'on vit avec cette pandémie, avec ce virus qui est propagé, wa'ad al-nas, ils propagent tous les messages. À leur famille, à leurs frères, à leurs amis. Wa'ad al-nas, ils se rappellent même plus c'est qui leur contact. Ils cochent sur la case tous les contacts et ils l'envoient. Et wa'ad al-nas, pour eux, c'est un kalam gharib, ils arrivent pas à le comprendre. Ben, pardon, ça leur fait peur, telle chose. Ça, c'est pas min al-hikma. On doit faire attention. On aura des comptes à rendre. Avant d'appuyer sur envoyer, réfléchis. Et ben, Nas, ils envoient les messages, ils les lisent même plus. Lui-même, il l'a pas lu. Copier-coller, il envoie. Il lit le début. Et peut-être que la fin du message, c'est quelque chose de très, très grave. On doit craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. On n'est pas des journalistes. Ça, c'est le travail des journalistes. Ils impriment, ils copient, ils collent tout ce qu'ils peuvent dans leurs journaux pour faire des chiffres. En même temps, tu n'as pas besoin de ça. Oh, Satan, si tu es un talib ilm, tu dois faire attention à chaque chose que tu propages, chaque chose que tu envoies, chaque chose que tu écris, tu auras des comptes à rendre. Comme a dit Azza wa Jal, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ça, c'est valable pour le qawl, et c'est valable pour tout ce que tu écris, tout ce que tu propages. On doit se remettre en question da'iman. Une fatwa, elle peut être saliha fi bilad, elle peut être ghayr saliha fi bilad. Naam, مثلا cette mas'ala qu'on vit, les masajid ils ont été fermés, et بعض الناس يخوضون, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, المهم, بعض البلدان, les autorités, ils ont décidé de les fermer, et ils acceptent pas l'autre qawl. On n'a pas besoin, tu vis dans ce pays, le masjid il est fermé, les autorités ils ont décidé que le masjid il est fermé. Même si tu prends un autre call, même si tu veux un autre call, le masjid il est fermé. Tu vas pas aller l'ouvrir de force. Donc parler et al-ikthar min hada et polémiquer, ça sert à rien. L'imad al yana, la polémique, il n'y a aucun fruit derrière. Est-ce que tu peux mettre en application l'autre call? Là. On prend maintenant un frère, il choisit l'autre avis, il se dit là, Les masajides, c'est mieux qu'ils restent ouverts. Et là, ça sert à rien, Léana, tu peux pas mettre en application. Donc cet avis, si tu la laisses dans ton cœur et tu n'as pas besoin de polémiquer, fihada. Sans parler, bien sûr, de l'obligation gouverneur, il a على كل حال هذه الأصول وهذه الآداب que Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi cite, ils sont très très importants. Et vous avez remarqué que la plupart des fitan et la plupart des troubles et la plupart des divergences, c'est à cause du manque de ilm. أن هذه الأصول, que ce soit dans le fiqh ou des أصول dans l'aqida ou dans le manhaj ou des أصول في المعاملة avec أهل البدع والكفار etc. Vu que beaucoup de ces fondements ils ne sont pas maîtrisés. Indal kathir. Une chose, tu prends n'importe quel sujet, surtout à notre époque avec les réseaux sociaux, ça cause la division. Pourquoi? Les Anna, on vit dans une époque où le fait de propager, ça s'est beaucoup facilité avec les réseaux sociaux, internet, etc. Et on vit une époque où il n'y a pas beaucoup d'ilm. Et beaucoup de gens ne maîtrisent pas les fondements. Donc, tous les ingrédients ils sont réunis pour causer la divergence. À l'époque de Sahaba, radiyallahu anhum, c'était le contraire. Voir de Sahaba, pour avoir un hadith, ils voyageaient un mois. Aqal, akthar, hakada tabi'in. Et pour propager, c'était difficile. Et il y avait beaucoup d'ilm. Il y avait beaucoup d'ilm. C'est pour ça que le bid'a ne s'est pas propagé. À notre époque, n'importe quel qawl, une fatwa batila dans les réseaux sociaux, elle fait le tour du monde. Et les gens, ils n'ont pas les outils pour savoir est-ce que c'est haq, est-ce que c'est batil. Les gens, et la plupart. وإلا فالخير ولله الحمد حاصل وباقي ثم قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله ما يلزم المستفتي أي celui qui pose la question après avoir cité les conditions أي du mufti ثم dans quel cas c'est obligatoire de répondre toujours lié au mufti أي celui qui va répondre la dernière partie ما يلزم المستفتي أي le comportement de celui qui pose la question. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يلزم المستفتي المستفتي الذي يطلب الفتوى celui qui demande une fatwa أمور plusieurs choses il doit remplir الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة نعم تتبع الرخص c'est comme تقدم معنا le fait de vouloir avoir la réponse par rapport au passé. Ils ne veulent pas le haq. Ils veulent une réponse. Et c'est différent. C'est pour ça que celui qui pose la question, il doit avoir comme objectif la vérité. Que ça lui plaise ou non. L'essentiel, il veut le haq. Alhamdulillah, si c'est ce qu'il pensait, ce qu'il voulait, alhamdulillah, yashkurullah subhanahu wa ta'ala, et il met en application. Oh, il s'écarte si c'est une mauvaise chose. Si c'est quelque chose qu'il ne pensait pas, il pensait que c'était le contraire à la akhira, il combat son nafs. Et il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma tatabu al-rukhas, en interrogeant plusieurs savants, ou en essayant de déformer les réponses, ou déformer la question, iyadam billah, c'est très très grave. قال الثاني لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. Aïe, tu dois interroger, questionner des personnes compétentes. Al-ulama. Et si c'est une nazila, si c'est un sujet très très important qui touche toute la communauté comme ce qu'on vit en ce moment, fal-fetwa, elle revient à ahlul ilm al-kibar. Pas tout le monde. C'est pas le premier qui donne un cours. Comme qu'on a ams, il est éloquent, il fait du khayr, khalas. Une nazila et on lui pose nos questions et Rubama Houa, c'est une fitna pour lui, il n'arrive pas à se contenir et il veut faire du bien et il répond et il contredit les savants et ça fait une fitna. Falnattaqillah jami'an. On doit poser nos questions à Ahlul Ilm. Et Ba'dan Nas, l'époque où on vit, il demande à tout le monde. Wallahi Ba'dhum, il demande à des gens, même l'apparence. On ne parle pas l'apparence du Ilm. L'Ilm, il n'a pas d'apparence, fait le haqiqa. L'Ilm, c'est pour tous les musulmans. Là, on parle l'apparence de. Al-Muslim. Ba'dhoum, ils ne l'ont pas. Et tu les trouves dans les réseaux sociaux, ils font des fatwas. L'ilm, il peut avoir de l'apparence. Si on prend le côté, là où il s'occupe des doros, c'est sympa, l'ilm, il a voyagé. Moi, c'est son occupation. C'est son occupation. Même hada, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les ba'dhoum, ils ont l'apparence talabat al-ilm, pardon, ils ont l'apparence de mashayikh, et wallahi, annahum, ils n'ont pas d'ilm. On ne dit pas qu'ils n'ont pas beaucoup d'ilm, mais ils n'ont pas d'ilm. On vient à une époque, une qalabat al-mawazin, donc on fait attention. Ahlul fatwa, ils sont connus à notre époque. Wallahi, alhamd, les contacter, c'est possible, et c'est de plus en plus simple. L'insan, il yattaqillah, et il préserve son dîn. L'imam, il y en a, si tu demandes à quelqu'un qui ne craint pas Allah, azzawajal, ou qui n'a pas d'ilm, il peut te répondre et cette réponse, elle te fait du mal. Et si tu n'as pas fait attention et tu t'es laissé aller et tu demandes à n'importe qui, Obama, tu n'es pas excusé via hadha al-hal. L'insan, il fait attention. Tu n'es pas excusé, min hayth al-udhr, est-ce que tu es excusé par ton ignorance? Amla, wa illa fa Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun rahim. قال وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك. بعض العلماء يقول سي اوبليغاتوار، بعض العلماء يقول سي ريكوموندي دو شوازير سولوي كي ا لو بلوس دو علم. سي تو ا دو بيرسون تو شوازي سيل كي ا لو بلوس دو علم. الحمد لله، طون كون دوموند ا دي سافون فالخير حاصل. ليسونسييل اون دوموند با دي زيغنورون. من باب اولى اون دوموند با دي زيغاري. Kadhalik, on ne choisit pas le cheikh ou le savant ou le frère par rapport à la question. On sait que tel cheikh, dans ce sujet, il a un avis et forcément il va citer une réponse qui contredit la mienne. Donc je vais chercher un autre cheikh que je sais que dans ce sujet, il va répondre plus cela et je lui demande. Ça, c'est min al-hawa. Tu dois demander la question et accroche-toi au délil. Les savants de la sunna, walillahi alhamd, quand ils répondent, ils citent des preuves. Enfin, tu demandes. Et tu t'accroches à la réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a un délit. Et si la réponse, elle n'est pas fondée sur le délit, et tu as une autre réponse qui est fondée sur le délit, bien sûr, tu n'es pas obligé de prendre la parole du savant. Là, tu es obligé de prendre la preuve. Qala, le troisième comportement, الثالث, أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل إن نركب البحر أو نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. Ce troisième point, قال أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا. Ta hala, c'est ta situation. Tu dois la décrire au cheikh, au mufti. Tu dois la décrire comment? قال صادقا وصفا صادقا دقيقا. Deux choses. Aoulan, tu dois être sadiq, tu dois être véridique. Kama taqaddam, ba'd an-nas, ils citent la situation et ils déforment. Ils emploient des mots, tu peux comprendre telle chose, muhim. Ils évitent de tomber dans le mensonge clairement pour avoir la réponse qu'ils veulent. Hada la yajouz. Tu dois citer la formulation claire pour que le shir y comprenne. Amma mentir, fala shak que c'est haram. Daqiqan, c'est être précis. Huna. تأمل دقيقا, ça veut pas dire que la question elle soit longue. Léana, ça fait pas partie du bon comportement. دقيقا, ça veut dire précis avec l'ikhtisar. C'est pour ça que min al-adab, c'est de préparer sa question avant de la poser. Pardonnez, s'ils envoient des messages, ou ils appellent des mashayikh, et tu vois le message ou tu entends la question, ça se voit qu'elle n'a pas été préparée. Donc c'est long, et le frère lui-même, il sait plus trop, le cheikh, il lui demande des détails. Imma le cheikh il répond pas, imma il répond, et Allah alam, est-ce que c'est ce que le frère il voulait? Est-ce que c'était le but de la question? Donc al-nasiha, c'est que celui qui a des questions, il rédige. Pour rédiger la question, il faut shay min al-ilm. Il faut de la science pour rédiger une question. Il faut employer des mots simples, il faut résumer, il faut citer la situation. Imma, une fois que tu as préparé ta question, si tu as du mal, tu demandes à quelqu'un qui t'aide. Imma, tu envoies ou tu la poses. Inch'Allah, yahsul khayr. Ata'ammal cet exemple que Cheikh Al-Uthaymeen il a cité. Ka qawli sa'il, inna narkab al-bahr, wa nahmil ma'ana al-qalil min al-ma. Aïe, cette question, cette personne, elle prend le bateau, c'est un marin, il travaille dans ce domaine, mathalan, et ils prennent de l'eau avec eux, lakin, pas beaucoup. Wa nahmil ma'ana al-qalil. Donc, ils ont peu d'eau avec eux dans ce bateau. Est-ce qu'ils peuvent faire l'eau d'eau avec l'eau de la mer et gardent cette eau pour boire? C'est en période matinale d'été, ils ont soif et ça dure toute la journée. Ils ont besoin d'eau. Cette eau, est-ce qu'ils peuvent la garder pour boire et ils font le dos avec Ma'ul Bahr? Cette question, elle est détaillée. Jamil, ils ont cité la situation, il a montré qu'il avait de l'eau, il a montré que c'était peu d'eau, il a montré qu'il avait besoin pour boire, qu'il a montré qu'il pouvait utiliser l'eau de la mer. Le cheikh, il a tous les éléments pour répondre. Il a tous les éléments pour répondre. Là où la question, on enlève le fait d'avoir soif. On a un peu d'eau. Est-ce qu'on peut laisser l'eau et utiliser ma'ul bahr? Et on ne parle pas de la soif. Là, chacun al-Shir, il pourra répondre autrement. Elle m'a cité ce point, c'est très très important. C'est un mythe. Al-Rabi' an yantabih lima yaquluhu al-mufti bihayth la yansarif min illa wa qad fahima al-jawab tamaman. Là, on a un autre problème. An al-Ba'd, il pose la question à des mashayikh. Le Shir, il répond bil-haq wa bil-dalil. Lakin, c'est le frère qui comprend mal. Thumma, il rapporte. Un tel cheikh, il a dit. Thomas Bardanès lui demande la référence. Il dit, je l'ai appelé, je l'ai questionné, il m'a répondu kada. Ahyanan, tellement que c'est baïd, Bardanès, ils appellent, ils demandent au cheikh. Le cheikh, il dit, j'ai jamais dit cela. Ça veut dire que le frère, il avait mal compris. Il m'a un problème de niveau en langue arabe. Il m'a kamakal cheikh, il se précipite et il n'a pas écouter totalement le shir où il a mal compris. Mouhim. Ah, là, c'est un tambi. Mouhim. On peut ajouter, Runa pour conclure, min al-adab an yasta'zin qabla an yas'al. Et ça, c'est important. De demander l'autorisation. Si c'est par téléphone, fa bil kalam. Maintenant, il dit, ya shir, law samahta indi su'al. Ya Shir, est-ce que c'est possible de poser une question? Le Shir, s'il te dit Tayyib, tu poses. S'il te dit rappelle plus tard, tu rappelles plus tard. Elle m'a posé la question directement, ça met le Shir fait le haraj. Et ouais, surtout si c'est une question importante, peut-être qu'il avait prévu autre chose. Mouhim, après, il se sent obligé de répondre. Enfin, ne pas mettre al-ulama ou al-mashayikh ou al-talabat al-ilm mal à l'aise. Est-ce que je peux poser ma question? Awwalan, on peut ajouter kadhalik. أن يختار الوقت المناسب حتى لا يزعج هذا المفتي. De choisir le moment opportun. Ne pas appeler en pleine nuit. Ne pas appeler tôt le matin. Ne pas appeler les heures de salat ou après salat directement. Peut-être qu'il a certaines choses à faire. Mouhim, choisir des heures. Wabad al mashayikh, ils ont des plages horaires pour répondre aux questions. Enfin, si le shir, il a mis un temps, enfin, on pose notre question. Durant cette période. Si c'est une urgence, c'est autre chose. À la kulli hal, on fait attention. Certaines ne pas appeler en pleine nuit. Et kadhalik, à notre époque, et kathirun min al-ikhwa, ils ne font pas attention à hada, prendre en compte le décalage horaire. Toi, si tu vis en Europe, ce n'est pas la même heure au Moyen-Orient. Ce n'est pas la même heure en Asie. On fait attention à hada. Peut-être que tu peux appeler pour toi, il est. C'est après l'Isha, il est 9h, 10h, tu penses que c'est encore tôt. Et le cheikh, il vit dans un pays, il y a 3 heures de décalage. Il est déjà 1 heure du matin, indahum. Fal-insan yantabih, fais attention à hada. Kadhalik, an yasta'zin idha arada at-tasjil, qabl al-su'al. Avant de poser la question, avant que le cheikh y réponde, ou plutôt quand tu poses la question, avant que le cheikh y réponde, tu demandes l'autorisation si tu veux enregistrer. Il y en a marre de le machaïr, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Il y en a peut-être que cette question, il va répondre par rapport à ton cas, ta situation, et dans d'autres cas, ça, c'est différent. Enfin, le cheikh, il ferme la porte, et si quelqu'un a une autre question, il l'appelle et il lui répond. Malbard, ils enregistrent. Ils enregistrent. Le cheikh, il n'est même pas au courant, seulement il propage. Il propage alors que le cheikh, il avait parlé spécifiquement à ce frère par rapport à sa situation et à certaines choses. Alors, on demande l'autorisation. Qu'est-ce qu'on demande avant? Malbard, ils ont posé leurs questions. Le shir, il a répondu, ils ont enregistré. Thumma, ils disent au shir, est-ce que tu nous autorises? Il a akhiré. Le shir, s'il te dit non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois effacer. Il a akhiré. C'est pas tayyib au départ. Hatta si le shir, il te donne pas l'autorisation, tu n'enregistres pas. Et si l'insan, il a enregistré, le shir, il lui donne pas l'autorisation de propager, il fallait yajouzoulah qui propage. Kadhalik. أن لا يقول للمفتي ولكن الشيخ الفلاني قال كذا. هذا سي با من الأدب. لأن سي أون أبل سو شيخ سي بور أفوار سون أفي. أما البعض إيز أبل لو شيخ. Le shir, il répond, son maître lui dit, Lakin shir un tel, il a dit. Ah, là, ça ne regarde pas shir. Il a un avis, ouah. Tu lui as demandé, il te l'a donné, mais l'avis d'un autre, ouah, ça ne le regarde pas. Ah, là, c'est pas mal de dire, Lakin shir, il a dit, et pour vouloir contredire la parole du shir. Ah, là, c'est pas mal. Emma, si c'est dans la question, Ya shir, mara, yuk, tel shir, il a dit telle chose, et c'est pour avoir un éclaircissement, ah, là, c'est permis. Lakin, pour contredire, l'insan, il n'est pas d'accord, et il montre au shir qu'il n'est pas d'accord parce que shir un tel, il a dit. Hada, c'est pas minal adab. Si tu n'es pas d'accord, personne ne t'oblige de prendre la fatwa. Le shir lui-même, il te répond, c'est lillah, et lui, il fait un ijtihad pour te répondre avec al-haq et dalil, et anta, si c'est le haq, prends-le. Si tu vois que c'est pas le haq et tu as l'avis d'un autre, enfin, personne ne t'oblige de prendre une parole qui, pour toi, n'est pas la vérité. Hada, wallahu ta'ala, a'lam. Et on avait détailler ce sujet, walillahil hamd, dans une muhadara, dans une kalima, il y a quelque temps, on l'avait propagé sous le titre de Comment poser ces questions, et on avait détaillé, walillahil hamd, ces points qu'on vient de citer, et d'autres choses. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana 'ala al-haq hatta nalqa. Enfin, le prochain cours, c'est samedi, à la même heure, à 11h, dans al-usul, min ilm al-usul, et Bi-idhnillahi azza wa jal, ça sera le dernier cours. Il reste deux chapitres à l'ijtihad et à taqlid. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-tawfiq. Donc le prochain cours, fi al-usul min al-usul, samedi prochain, on essaye de terminer. Et demain, dimanche, on reprend nos cours dans al-wasitiyya et dans l'explication de Riyad al-Salihin. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يحفظ جميع الإخوان في كل مكان ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق حتى نلقاه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.